Ce soir sera la première édition dite régulière de l'année du Undead Incorporated Show Réanimation. Régulière dans son contenu musical, évidemment, parce que pour le reste, la régularité et le conformisme ne sont pas nécessairement les mots d'ordre d'ici. Et ce, encore moins depuis que la chose de notre monde soit présente. Et la chose qui est justement devant moi semble vouloir émettre quelque chose. Hop, c'est impossible de comprendre ces ridicules balbutiements. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et une chose comme assistant. Surtout lorsque ce docteur vous demande « Qu'avez-vous donc, mon ami? » Et que vous lui répondez « Je ne sais pas, docteur, j'ai quelque chose. » Et qu'il vous retourne « Ah bien, je vous plains d'en avoir plus qu'une, une chose, parce que moi j'en ai juste une, et c'est vraiment le foutoir. » Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause we said so. Let's go. We'll be right back. Salut, c'est Pierre de Vanta Black Warship. Vous écoutez l'émission Reanimation avec Dr. Pendragon sur CFOU 89.1 FM. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation à ce 20 février de l'an de disgrâce 2018. Je suis le Dr. Pain Pendragon. Et une fois de plus, pour la cinquième ou sixième fois, je suis accablé par la chose qui est là. Hasta la Isla Bonita. Oui, c'est ça, la Isla Bonita. Mon cher Sinistros, comment allez-vous? Ça va très bien, très bien. C'est quoi les trucs qui sortent de tes yeux et tes oreilles? Ça, là? C'est pas de tes affaires. Ah, d'accord. C'est un peu laid, par contre. Hein? C'est pas grave. Non. Est-ce que tu pourrais ramasser avant de quitter, s'il vous plaît? Non. D'accord. Je l'entends encore pas moins. C'est ça le plaisir de faire de la radio, c'est que les gens peuvent pas te voir. Ça. Effectivement. D'ailleurs, Sinistros et moi avions une conversation avant d'entrer en onde, justement, sur les plaisirs de faire de la radio en direct versus. Ce qui doit être aussi plaisant de concevoir les fameux podcasts qui sont comme entre autres notre ami DJ Tower of Death qui ne fait pas une radio dite traditionnelle, n'est-ce pas? Non, c'est même en dehors des standards parce que je constate que notre ami Tower, il investit beaucoup de temps là-dedans puis beaucoup de voyagements pour réussir à nous sortir des super podcasts. Oui, contrairement à nous, ce qu'on est live. C'est un minimum d'effort. C'est un minimum d'effort. Tout, on ne travaille pas du tout pour faire notre émission. Non, mais c'est... Qu'est-ce qu'on met ce soir? Peut-être bon, ceci. Bon, je ne sais pas. Là. Regarde, on va mettre n'importe quoi. De toute façon, ce ne sera pas grande différence. Tout le temps, tout croche notre affaire. Non, mais blague à part, c'est faire la radio dite traditionnelle, c'est-à-dire comme le live comme on fait présentement, pour moi, c'est gratifiant dans le sens que ça nous permet de... C'est gratifiant, mais c'est pas gratuit. Non, ben, d'une certaine façon, non, effectivement. Mais ben, ça nous permet d'aller au-delà de ce que toute préparation pourrait amener, finalement. Oh, donc, c'est ça, avec les erreurs et les... Oui, il faut vivre avec. Les bons et les très bons coups, et surtout les mauvais. Oui, les mauvais, ben ça, c'est ce qu'on est le plus fier, habituellement. Juste avant cette philosophique discussion, on a eu le premier bloc de l'émission qui était constitué de ceci, Vanta Black of Warship. Ben, c'est excellent, ça. Oui, c'est très bon. Formation de Montréal et la pièce homonyme de l'album, Abrasive Pulmonic Speak. Ça vient de sortir, ça? Ou... C'est paru le 26 janvier. C'est très, très officiellement, bon. Officiellement, oui. C'est leur premier album complet. En 2015, il y avait eu le EP Vanta Black Warship. Là, j'avais entendu quelques pièces. Quelques pièces, je pense qu'il y en avait quatre dessus. Ben, c'est sûr, quelques. Non, il y en avait six quand même, c'est vrai. Que j'avais bien aimé. Je trouve que c'est un bon... On les qualifie dans le trash, mais moi, je dirais qu'ils frisent pas mal le stoner, eux autres, là. Honnêtement, là... Il y a des membres de Buffalo Theory et Goulunatics là-dedans, et tu sais, aussi, il y avait des petits côtés stoner. Oui, tout à fait, ça transpire, et c'est une bonne chose, j'ai bien aimé. Ben, je vais me procurer ça, bien sûr. Ben, il le faudrait. C'est paru de façon indépendante. Juste avant, nous avions de l'Angleterre, maintenant, initialement de l'Australie, Destroyer 666 et la pièce Clenched Fist, qui est tirée de leur troisième album, Defiance, qui est paru en juin 2002 sur Season of Mist. Et nous avons ouvert avec Vampire de Gothenburg en Suède et la pièce At Midnight I'll Possess Your Corpse, pièce tirée du premier album homonyme Vampire, paru le 3 mars 2014 sur Century Media. Ce soir, nous avons quand même pas mal de trucs à vous présenter dans ce qu'on pourrait qualifier de nouveauté. Quoique, tu sais maintenant, Sinistros, tu t'en rends compte, j'imagine que les nouveautés dépassent une demi-heure, c'est des vieilleries, hein? Oui, effectivement. Bon, donc on va passer... Juste des vieilleries. Ben écoute, si on veut être capable de passer ce qu'on a l'intention de faire diffuser dans son entier ce soir, on va continuer musicalement avec un de tes blocs. Ben oui, dans les prochaines émissions, incluant celle-ci... C'est pas très intéressant, d'accord, ce que tu racontes, là. Mais vas-y quand même. OK. Tu dis que c'était pas très intéressant. Oui, okay. Répète-le encore une fois. Non, ça va. Vas-y. Dans les prochaines... Je t'ai-tu dit que... Bon. Non. Dans les prochaines émissions... Ah ben, c'est pas très intéressant. Eh oui. Je vais établir un nouveau concept. Bon, il commence. Ben oui, regarde, écoute, je veux tout scraper tes choses. T'as le droit d'essayer. Ben, à partir d'aujourd'hui, ça se peut que ça soit pas à toutes les émissions, mais je vais essayer de le faire quand même de façon non, assez sporadique. Non, tu ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, ce serait peut-être ta dernière émission. Oui! Yeah! Dans un bloc de 3 chansons, je vais mettre 3 pièces de 3 groupes différents. Ben, entre, c'est pas mal ça. Pas pire, hein? Ouais. Mais entre lesquels, il y a 2 liens. OK. OK, là, tu t'en viens pas mal trop... Ça va être fou, hein? Non, mais ben, continue d'expliquer. Ben, ça veut dire qu'il y a un lien avec le premier groupe et le deuxième, puis il y a un lien entre le deuxième groupe et le troisième. Ben, t'as le goût de te casser la tête. Mais non, c'est juste le fun. C'est le plaisir qu'on parlait de passion, de trip. C'est le d'accord, fun. D'accord, d'accord. Ben, je vais dans cette voie-là. Si les chers téléspectateurs qui nous écoutent à la radio... Les téléspectateurs à la radio, oui. Ça. Cher tapageur. Dis pas là, il fait dodo, là. On va faire jouer le bloc. Et si vous connaissez les réponses, vous êtes toujours capable d'appeler au numéro qu'on vous donnera pas. Ceux qui le savent, ben, asseyez-vous. Puis si vous avez la bonne raison, vous gagnez une fin de semaine avec Sinistros. Ça. Fait que si vous avez les bonnes réponses, vous gagnez absolument rien. Non, puis vous passerez même pas en onde. Non, puis ben, vous passez pas à go, puis vous gagnez même pas 200. Vous réclamez rien. Fait que, on va y aller avec trois pièces. On va avoir une pièce de Toe Cross. Mais là, si je comprends bien, c'est déjà... c'est actif. C'est de... là. C'est là. Là. Okay. OK. Une pièce de Toe Cross. C'est une facile, celle-là. Une très oui, facile. Oui, oui, très oui. Facile. Parce qu'il faut quand même que je donne des chances au monde de ne pas appeler. Ben, ça m'étonne. Moi, je suis impitoyable. Non, c'est vrai. T'as raison. Moi, ce sera no chance. OK. Fait qu'on va y aller avec Toe Cross, la pièce Underwater. Ensuite, ça va être Voivod avec We Are Connected. Et on va terminer avec Martyr et la pièce Ostrogoth. Mais là, par contre... là, tu comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas le lien entre Martyr et Toe Cross. Non, mais j'aimerais bien me le faire expliquer. Tu vois, Horace... Elle a ni queue ni tête. Horace, il a compris. On s'en va écouter ça de ce pas. Let's go!

isn't worth giving. So much in the after, so much of the future. We are made for riding. Is it worth saving? So much to carry on, too much for anymore. So much to carry on, too much for anymore. So much to carry on, too much for anymore. Oh, Votre soif d'émergence avec nous, Oriane Clavet et Liliane Flynn, les pas sortables, tous les mardis de 16h à 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Les 24 février et 3 mars prochains, les Nuits polaires se poursuivent au centre-ville de Trois-Rivières avec une foule de spectacles gratuits. Karim Ouellette, Kim Churchill, À la claire ensemble et plusieurs autres. Pour tous les détails, rendez-vous à nuitspolaires.ca. Compte à rebours est une émission dédiée aux contes et aux nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tous les mercredis matins à 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du conte Dracula? Salut Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face, là où je te fais passer du solide en musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou 89.1. C'était drôle. Oui. Aïe, aïe, aïe. 19h42, vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show. Ben là, nos chers téléspectateurs se demandent pourquoi. Ouais, ben, je veux pourquoi? Pas le répéter. Mais non, mais c'est. Imaginerais-tu si on serait sur YouTube live, le monde nous trouverait ça encore plus drôle. Ou bien ils nous trouveraient pathétiques. Peut-être plate aussi, oui, effectivement. Bon. Monsieur Sinistros, oui. Je pense que je l'ai trouvé, moi, le lien. Ben, parce que je te l'ai dit. Ben, avant que tu me le dises, okay. Quand même. C'est le I-Dremo, non, c'est ça. Ben non, je ne suis pas si niaiseux que ça, quand même. C'est que tous quel les est trois, le lien? Le lien, entre... c'est oui. Ces trois chansons métal. Ben oui, t'as tout trouvé ça. Non. Alors, est-ce que les chers auditeurs ont réussi à trouver le lien qu'il y avait entre Tocross, Voivod et Martyr? Vous pouvez nous le dire en nous appelant au 819-376-5183. 819-376-5183. On avait dit qu'on vous donnerait pas le numéro. Mais on vous l'a donné, mais on répondra pas. Je vais attendre une couple de minutes. Je vais vous élaborer des plans qui s'en viennent dans le futur. Vous savez qu'il y a une page Facebook de réanimation. Oui, pour laquelle je ne suis absolument pour rien. Mais non, c'est Digital War qui nous avait fait il y a plusieurs années. Ben, on va s'en servir. Ben oui, pourquoi? On va s'en servir. Fait que les auditeurs qui sont abonnés à Facebook, vous pouvez aller faire un petit pouce dans les airs ou je sais pas comment, là. Ou sur à la, terre. Ou à terre, comme vous voulez, sur la page de réanimation. Dans les prochains blocs, dans les prochaines émissions, ce qui va y avoir le travail à la chaîne, comme on vient de faire là. Oui, Maître Sinistros. Ding, ding, ding, ding, ding. Vous pourrez déblatérer directement sur la page Facebook. Je mettrai, mettons, les titres de chansons avec les groupes et whatever. Mm-hmm. Puis vous essayerez de trouver quel est le lien entre les trois. Ben, bravo. Fait que là, vu que le téléphone sonne pas, ça veut dire que soit... Non, il sonne, ça n'a pas d'allure, je fais juste pas répondre. Ça, OK, c'est ça. C'est soit que le monde s'en fout carrément ou qu'on a zéro auditeur. Ben, moi, je dirais que c'est un peu des deux. OK, c'est... Fait qu'on a débuté avec Toe Crust, avec la pièce Underwater. C'est paru sur l'album Pillar of Fire de 2017. C'était paru sur Relapse Records. Qui a fait partie d'ailleurs de tes présentations de Retro Undead. Effectivement, un album que j'avais très bien apprécié en 2017. Ben, dans Toe Crust, il y a Away de Voivod à la batterie. Ben, je te le dis. Ah, OK. Oui. J'ai mis Voivod, mais pas n'importe quelle toune de Voivod pour être capable de faire le lien avec le troisième groupe. C'était bien important. Mm-hmm. On a eu la pièce We Are Connected qui est parue en 2016 sur le EP Post Society qui est apparu sur Century Media, sur lequel on retrouve Away de Voivod. Ah bien oui, c'est Voivod. Bagarre, mais gardons. Aussi Chewy qui est Daniel Mongrain. Oui. Oui. Et on a terminé avec Martyr. Martyr, formation trifluvienne avec le premier album Hopeless Hope avec la pièce Ostrogo. Oui. Ça se prononce Go. Oui, le TH est absent. C'est ça. Mais on va dire pour les bons soins de la pièce Ostrogoth. Ostrogoth. C'est ça. C'est apparu de façon indépendante en 1997, donc ça fait très longtemps. Eh bien oui, Daniel Mongrain était le guitariste et chanteur de Martyr. Ouais. Alors, c'est pour vous donner une petite idée de ce qui s'en vient dans les prochaines émissions. Ça va être fort déconcertant? Non, ça risque d'être pas mal plus déconcertant parce qu'on va creuser la cervelle pour vous mettre de quoi plus difficile. Creuser quoi? Non, c'est vrai, il n'y en a plus. Bon. Bon, ben, c'est pas grave. Je suis là pour penser à ta place. Merci. Donc, Sinistros va mettre un petit peu d'épices dans l'émission de réanimation. Ceci dans l'espoir, je dirais pas dans le but, mais plutôt dans l'espoir de pouvoir en réchapper un ou deux. Un ou deux dans l'eau, de peut-être stimuler quelques neurones qui sont actuellement endormis chez nos auditeurs. Oui, on va mettre l'emphase un peu sur la culture musicale. La quoi? Culture. Ah oui, voilà. Avec une grande K. Bien sûr. Oui, mon petit Bernard Pivot. Merci. Bon, ben ceci étant dit, nous allons poursuivre musicalement, cette fois-ci avec la première présentation de la soirée. Oh. Qui est le nouvel album de Robert de Montigny. Ah, ça c'est tellement bon. Ah, mais c'est pas vrai. T'es bien plate. Mais bien sûr. Formation que j'ai découverte par un heureux hasard la semaine dernière, en fouillant à travers les nouveautés. Les sorties métal, bien sûr, pour l'émission. Je parle de la formation Crescent. Et ce n'est pas la rue de Montréal, n'est-ce pas? Là, pas du tout. Pas du tout. Je parle de la formation Crescent, formation égyptienne qui vient du Caire et qui donne dans un death metal à tendance. Ben, je me rappelle qu'il y a quelques années, tu m'as fait découvrir la formation Hade avec la formation italienne, avec leur death metal très, je dirais... Romain, oui, je voulais dire plus d'antiquité, voilà. Ben, plus que l'antiquité, bref. Ouais, ben, de la romantique, ainsi de suite. Bon, conceptuel. Mais c'est pas très romantique non plus. Non, c'est pas très romantique. Formation Mahat, on avait aussi les Hour of Penance qui donnait. Oui, c'est un peu dans le même genre, si tu veux. Je pense que tu vas le découvrir toi aussi ce soir. Là. Crescent, c'est une formation qui existe depuis 1999, quand même. Hein? Ils n'en sont seulement qu'à leur deuxième album. Ah, mais des fois, c'est mieux prendre son temps pour faire un bon album. Ouais, ben, il y a prendre son temps. Ouais, mais des fois, c'est... Ça va faire quand même... 99, ça va faire 20 ans. Mais quand tu as le syndrome de la corde blanche, ben, ça fonctionne pas. Ben, moi, ce que c'est, oui, le syndrome de la corde blanche. Mais honnêtement, il faut peut-être être un peu plus, moi je pourrais dire, allumé puis comprendre que ces groupes-là font pas ça plein temps. Là. Ben, là. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup encore qui vivent. Ben, en tout cas, des nouvelles émergences. Je suis déçu d'apprendre ça. Ouais. Ben, écoute, la réalité est cruelle parfois. Ah oui, ça vient de me frapper là. Mais heureusement, pas autant que moi. Leur deuxième album qui est paru le 9 février, donc en début de ce mois-ci, c'est quand même vieillerie, n'est-ce pas? Qui porte le nom de The Order of Amenti, est un album auquel, je dois dire, j'ai accordé beaucoup d'importance parce que c'était une véritable révélation pour moi. Crescent, je lui ai accordé une note de 9 sur 10. Toi, t'as donné 9 sur 10 à un album? Ben, moi. Je vais m'empresser d'aller écouter ça de ce pas. Non, mais il me semble que je suis moins savant. Moi, je vais lui donner 12, c'est sûr. Non, t'es plus sévère que moi. C'est vrai. J'ai donné 9 sur 10, honnêtement. On retrouve ça sur Listenable Records. Je vous propose deux pièces à l'instant qui sont respectivement la première pièce qui porte le nom de Resetting Spell to Mutilate Apophis, ainsi que la troisième pièce qui s'intitule Obscuring the Light Crescent. Let's go. c'est plate. Tais-toi. Sinner, I bear. Jesus, the Messenger. êtes assis. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Fier partenaire de la radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Le 6 et 7 avril prochain au cabaret de l'amphithéâtre Cogeco, Warrior Metal en collaboration avec Long and the Queen, Lapis Rock et Cifou 89.1 présente le Warrior Metal Fest 15e édition. Quatorze groupes sur deux soirs mettant en vedette Despised Icon, Jungle Rot, Beyond Creation, Anonymous, Obey the Brave et Dayside. Billets en pré-vente à la Plus Rock, chez Metal Punk et en ligne au amphithéâtre-cocheco.com au coût de $46 pour un soir ou $74 pour les deux soirs, quantité limitée. Les 6 et 7 avril, c'est un rendez-vous à l'amphithéâtre Cogeco pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3mmf.com. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission L'Octrotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de Cifou 89.1. Vous êtes à Cifou 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cifou? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Et oui, nous avons la preuve qu'il y a au moins une personne qui nous écoute. Oui, on a eu effectivement un appel. Oui, on a eu un appel d'un revenant d'ailleurs. 20h07, vous êtes à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show en compagnie de cette... chose. Vous n'irez même pas jusque-là. Patente. Et de moi-même, votre cher et charmant docteur. Et ce, jusqu'à 21h. On vient d'entendre la première présentation de la semaine avec la formation égyptienne du Caire, plus précisément Crescent, et deux extraits de leur deuxième album, The Order of Amenti. Mais c'est excellent, ce truc. C'est vraiment très bon, hein? Oui. Moi, c'est le genre de choses qui m'accrochent très rapidement, ce genre de death metal-là. C'est paru le 9 février sur Listenable Records. On a entendu la pièce Obscuring the Light, qui était précédée de la pièce d'ouverture de cet album, soit Resetting Spells to Mutilate Apophis. Album auquel j'ai accordé une note de 9 sur 10. Donc, hey, je me rappelle pas d'avoir été vraiment plus haut que ça l'an dernier. 9 sur 10 de la part du docteur. Ben, t'as pas à parler, toi. Non, moi, je suis capable de mettre des 9.5, puis je suis capable de mettre des 5.5 aussi. Oui, ben ça, je suis capable de mettre des 4 même. Sauf que la différence entre Sinistros et moi, c'est que là, moi, quand j'accorde une note de 7 ou 7,5, c'est dans le très bien, alors que lui, c'est même pas bon. C'est pas bon. Donc... ta gradation pourrait se situer facilement entre 8 et 10. Non, entre 9 et 9.5. Non, disons que moi, pour ma part, à partir de la note de passage, c'est vraiment 7.5. Là. une note de passage, oui. 7.5. Ah oui, oui. Faut que tu marches vraiment comme le réseau scolaire. Là. Faut que vous ayez 75-80%. Je suis pas mal plus baveux que le réseau scolaire. Oui, ouais, ça, j'en conviens. Parce que j'avoue que personnellement, aujourd'hui, des jeunes passent pour n'importe quoi. Là. C'est... Ben, je t'avouerais qu'on passe tout pour mal n'importe quoi, surtout quand on fait de la radio à réanimation. C'est clair. C'est clair qu'on passe n'importe quoi. Oui, c'est clair, parce que Claire ne joue ni jamais. Ah! Oh. Non, ça, c'est beaucoup trop vieux pour les jeunes, j'en suis certain. Je pense qu'on va passer tout de suite à la deuxième présentation, puis je ferai la chronique cinéma par la suite pour aller à ta présentation. Donc, deuxième niaiserie de la soirée. Hein? Qu'est-ce qu'il l'a dit? J'assume parfaitement ce que je dis, des fois. Formation de Stockholm, tu sais, c'est où Stockholm? En Afrique, hein? Non, c'est sur le générique au début des films. Ah, c'est ça! Oui, c'est là où on dit que t'as pas le droit de les copier. T'as pas le droit de les copier, OK. Non. OK. Bon, c'est en Suède, Sinistro. Je savais. Mais non, tu savais pas. Tu joues le rôle, là. OK, je joue le rôle. OK, je savais pas. Formation qui existe depuis 2007, qui porte le nom de Feared. Ben, j'imagine que s'ils sont sur le label Svart Records, ça doit donner un peu dans un... D'après moi, peut-être Doom un peu, peut-être un petit pas peu. Pas vraiment, non. Non? Non. Parce que c'est de la polka. Ah, c'est de la polka. Pourquoi Svart? C'est parce que Svart Records, habituellement, sont assez réputés pour le genre de un peu occult rock. Oui, c'est peu, sauf que c'est le nom de l'album Svart. Ah. Ils sont sous étiquette indépendante. D'accord. Bon. Pauvre enfant. Ah non, ben, tu sais pas, moi. Non, j'ai vu ça que tu savais pas. Bon, Feared existe depuis 2007. Ils en sont à leur album, n'est-ce pas? Ils en sont à leur huitième album, qui porte le nom de Svart, justement, qui est paru il y a longtemps, honnêtement. C'est paru il y a longtemps? Oui, le 8 décembre 2017. Ah ouais, ça, c'est il y a très, très longtemps. Ben, ça fait plus d'un an. C'est 8 Donc, décembre 2017? 2017, oui. Ben, c'est parce que 8 décembre 2017, c'est pas un an, là. Je sais. Je suis peut-être tata, là, mais je sais quand même compter un petit peu. Ben, au moins, t'admets que t'es tata un petit peu, c'est correct. Là. Faut t'avouer à moitié pardonné, qu'on dit. Non, mais 8 décembre, c'est il y a très longtemps. C'est il y a très longtemps. À l'époque. Effectivement. Ça répète le 8 décembre 2016. Pour, là, pour passer des nouveautés, il faut qu'on passe des albums qui ne sont même pas sortis encore. Exactement. En fait, il faut les passer quand ils sont enregistrés, au fur et à mesure. Ben oui, regardons. Ben oui, mais on n'a pas ces connexions-là pour l'instant. Non, malheureusement. Donc, le 8 décembre, c'est la fin de l'année dernière, évidemment, c'est un album que j'avais passé sous silence depuis, parce que, bon, évidemment, il y avait eu la pause, la période des fêtes, et quand on est revenu, ben, on a fait la rétrospective. Donc, c'est éternisé sur 4 semaines. Sur 4 semaines, donc, définitivement, j'ai pas eu le... Plus la semaine où ce qu'on a manqué, parce que le beau temps nous manquait. Oui, un peu comme ce soir, d'ailleurs. Je vous propose d'aller écouter deux pièces de cet album. Svart, qui est leur huitième, comme je le disais, qui est une formation qui donne dans un death trash metal. Mais je vais te laisser te faire ta propre opinion, parce que même moi, je suis pas totalement convaincu que ce soit du death trash metal. D'accord. Ou que la dose soit plus une que l'autre. On va entendre respectivement les pièces King of Dead, ainsi que Your Black is My White. Feared, let's go. Thank you. Oh, yeah. Formation Feared. Formation qui vient de Stockholm, en Suède. Et deux pièces tirées de leur dernier album, le huitième, soit Svart, paru le 8 décembre. Décembre. C'est sorti toujours des cendres. Pardon. De façon indépendante, on vient d'entendre la pièce You Black Is My White. Et c'était précédé par la deuxième pièce de l'album King of Dead, qui est ma préférée jusqu'à présent. On trouve quand même certains noms connus dans cette formation-là, n'est-ce pas, Sinistro? Effectivement. Entre autres, on retrouve Olaine Glund, la basse pour drum programming, si vous préférez. Guitare 2007 à aujourd'hui, avec qui a évolué, entre autres, et qui évolue toujours, dois-je dire, avec The Haunted, ainsi que formation Skypoint. Et c'est aussi un X6 Feet Under. Il y a Jock Skog, qui est à la basse, qui a joué aussi avec Clawfinger. Est-ce que tu connais Clawfinger? Pas du tout. C'est une formation qui donne dans un métal à tendance rap, mais assez efficace, je dois dire. Assez efficace, merci. On trouve aussi Kevin Talley à la batterie, qui est un membre de... N'importe quoi. Oui, c'est ça, de DARF, entre autres, qui a joué aussi avec Dying Fetus, avec Decrepit Birth. Misery Index. Cattle Decapitation. 6 Feet Under. Suffocation. Tout à fait, donc la liste est très longue. Il a joué en live aussi avec Blood Dahlia Murder, avec des formations comme M.O.D. d'ailleurs, oui. Ainsi que 8 Eternal en version live, bien sûr. Donc, c'est des musiciens quand même relativement à l'expérience. Moi, j'ai trouvé que l'album était assez intéressant. Par contre, un petit peu inégal, je dois dire. C'est pas la totalité qui est venue me chercher, qui m'a plu, mais j'ai retrouvé quand même certains bons moments musicaux, entre autres ces deux pièces-là, mais plus encore. Je vous parle d'une petite incursion dans les chroniques cinéma. En fait, je n'ai pas écouté énormément de choses, mais j'ai écouté les choses intensément. C'est-à-dire que ben, je vais commencer par la chose plate, d'accord? Vas-y. Est-ce que tu connais la série de films d'horreur, et plus spécifiquement de zombies de George A. Romero, comme Night of the Living Dead, Day of the Dead, et ainsi de suite. Bon. Je sais pas c'est qui le clown là, qui a eu l'idée de faire. Ben oui, je sais, c'est Hector Hernandez Vicens, qui a décidé de refaire, d'une certaine façon, le classique Day of the Dead, qui est le film qui se passe principalement dans une espèce de bunker souterrain, parce que la population de la Terre est envahie par ce virus qui, évidemment, transforme les gens qui sont morts en morts vivants, qui veulent manger des cerveaux. Donc, il lui a rajouté le titre de Bloodline. Donc, c'est Day of the Dead Bloodline. Je me suis dit, ouah, ça peut être intéressant, j'aime pas ces films de zombies de bord. Puis, sachant que, bon, on faisait référence à George Romero là-dedans, j'ai écouté ça. Eh bien, voici ma très longue et fastidieuse chronique. Pourri! Un merveilleux navet. Voilà, c'est épouvantablement... Oui, eh bien, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Grand-mère est revenue. Grand-mère, réanimation qui est revenue. C'était comment, grand-mère? Pourri, c'est pourri! Ah là là là là là là. Est-ce que je t'avais dit que j'avais écouté Justice League? Non, tu m'as pas dit ça. Je suis cachotier. Hein? Petit cachotier. Ouais, j'ai écouté Justice League, ce film qui tirait des personnages de DC Comics, qui met en vedette, bien sûr, Batman, Flash, Aquaman, Wonder Woman et aussi Superman. Parce que est-ce que tu as vu Batman versus Superman? Oui. Ben, tu sais que Superman était mort. Ben, oui. Bon, ben, il est plus. Ben, ça me surprend pas. Non. Et eux, fort heureusement, je vais t'avouer bien franchement, moi, les DC, j'ai beaucoup de misère avec ça. Mais à part Batman, moi, mais ben, pas, c'est pas ça, Batman Ben Affleck, par exemple. Non, Superman, moi, le héros en collant, et blablabla. J'ai jamais été très porté sur Superman. Par contre, je dois dire une chose. Dans le monde de DC Comics, Batman étant mon préféré, c'est un personnage que j'aime bien, je dois dire, Superman vient en deuxième lieu. Je le déteste pas. Mais dans Justice League, qui, permets-moi de te dire, qui est une film absolument inutile et je dirais même vide et fade, que j'ai écouté en entier par acquis de conscience pour être capable d'en parler le plus justement possible, et encore je t'écouterai plus jamais là, je pense. j'ai même pas eu de plaisir, même pas eu de distraction à écouter ce film-là. C'est pas peu dire, là. Hein? J'ai même pas vu Wonder Woman. J'ai pas aimé Wonder Woman. D'ailleurs, Gal Gadot, qui est la Wonder Woman, on la retrouve encore dans ce... Heureusement, ils se sont gardés les mêmes personnages. Et c'est toujours Ben Affleck qui interprète Bruce Wayne et Batman. Un très mauvais Batman, là. C'est un bon acteur maintenant, un bon réalisateur, mais c'est pas un bon Batman. Non, c'est pas un bon Batman. Donc, j'ai trouvé ça surtout, très... Surtout avec la version de Batman qu'on a avec Christian Bale. Oui, définitivement. C'est comme... Ouais. La coche était haute. Beaucoup. Oui, je suis très, très, très, très d'accord avec toi. Donc, ce Justice League, pour moi, c'est un film que j'ai trouvé complètement, je le répète, inutile. En contrepartie, j'ai écouté une série de façon marathonienne dimanche dernier, soit Nightfall, la première saison, qui est une série d'aventures à connotation historique et qui met en... Ben en fait, je ne connais pas les acteurs qui jouent dans Nightfall. Ça ne me disait strictement rien. Mais c'est tout de suite après le retrait des croisés de Jérusalem, alors que Saladin a repris Jérusalem. Les croisés retournent vers leur... je dirais, leur quartier respectif, parce que t'as plusieurs factions. Mmh. Bon. Et on commence tranquillement pas vite à trouver le temps long, parce que les croisés sont des moines guerriers qui, eux, ont juré corps et âme à l'Église et à défendre ses corps et biens. Et là, il n'y a plus de croisade. Bon, donc, la nouvelle mission, la mission secondaire des croisés, c'est évidemment qu'ils deviennent des Templiers, et la quête du Graal. Et cette quête du Graal, eh bien, elle aurait pu être terminée parce que lors de leur fuite devant l'ennemi sarrasin, ils avaient le Graal avec eux. Ils se sont sauvés de Acre par bateau. Mais malheureusement, le bateau qui contenait le Graal a été coulé par une catapulte. Et on croit tous que le Graal est perdu à jamais, alors que c'est faux. Et il y a beaucoup de manigances dans ça. Donc, qui vont à l'insu de Templiers. Parce que toi, t'es quelqu'un qui a lu beaucoup sur les Templiers, oui, je sais. Oui. Et tu sais pertinemment que les Templiers, à un certain moment donné, on a voulu leur faire une chasse aux sorcières pour s'en débarrasser. Ils en savaient beaucoup trop. On voulait s'approprier leur richesse qu'ils avaient eue au fil des campagnes, et ainsi de suite. Et eux ne sont pas au courant de cette conspiration-là. Pour eux autres, ils sont encore en pleine mission pour... En pleine mission. Pour Dieu, dans le fond. Tout à fait, absolument. Et comme toujours, eh bien, l'Église s'en mêle. Et c'était le pape Boniface qui était à l'époque, qui régnait en seigneur et maître, faudrons le dire, sur l'Église et sur autre chose, évidemment, sur bien plus, et qui manigance et qui trigote devant sous une bonne figure pour que... à la fois le roi de France, Philippe, sa reine, Jeanne, et Landry de Lauzon, qui devient par dépit le maître des Templiers, puissent tous s'aliéner l'un et l'autre pour être capable de pouvoir récupérer le Graal. Et, soit dit en passant, c'est fort intéressant, parce que le pape ne croit absolument pas au pouvoir du Graal. Tout ce qu'il croit, c'est que c'est un symbole, et qu'il va pouvoir rallier sous ce symbole-là sous la même église, tout l'Europe, et en être le seul et unique gouvernant faisant l'abolition de la monarchie. Oui. Ben, j'ai bien aimé. Il y a quelques côtés prévisibles, il y a quelques côtés stéréotypés, mais par contre, c'est fort distrayant, et en plus, ben, c'est assez explicite au niveau des combats. Disons que, à l'époque, arracher une dent se faisait pas vraiment par l'ouverture de la bouche, mais plus par l'arrière de la tête. C'est pour te dire que il y a quand même... T'as-tu bien mal aux dents? Non. Non, personne n'avait plus mal aux dents à cette époque-là. C'est pour te dire qu'il y a quand même pas mal de scènes qui sont explicites, mais c'est une bonne saison Nightfall, une bonne série, je dois dire, plutôt. Et c'est j'espère qu'il y en aura une deuxième. Voilà, c'est tout. J'ai pas écouté autre chose. Par contre, ce qui va être en salle ce vendredi 23 février risque d'être intéressant, un film d'horreur de Brian O'Malley. Il s'appelle The Lodgers et qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont liés par un terrible secret qui les contraint à ne jamais quitter la maison recluse de leurs parents décédés qui leur ont laissé en héritage. Donc, ça risque d'être bien. Les critiques qui ont vu le film en avant-première semblent être assez unanimes pour dire que c'est un film fort correct. Mon cher Sinistros. Bien. Maintenant, c'est à toi de faire la présentation. Ben, c'est une seule pièce parce que quand même 12 minutes. Ben oui, toi. Ben, nouvel album de la formation russe Arkona. Mm-hmm. Qui vient de nous sortir son 10e album qui s'appelle La Kram. La Kram. Kram, hey, ça cramait. Oui, oui, voilà. OK. On va entendre la pièce Rebionok Bez Imeni qui est parue en 2018, il y a quelques semaines à peine, sur Napalm Records. Arkona qui effectue un retour un petit peu à ses racines très, très folk des premiers albums. Y a-tu des flûtes là-dedans? Ça se peut, bien qu'il y ait des flûtes. Y a un gros côté très progressif qu'ils ont gardé de l'album d'avant, qui était beaucoup trop progressif, justement. Ça a rendu comme bizarre. Ils sont revenus quand même avec des longues pièces très, très épiques et porc-épiques. Ben oui, OK. Ça. Fait que allons-y tout de suite avec Rebionok Mez Imeni. Vous êtes en animation. Bien sûr. Go. Thank you. Ouais, c'était quelque chose, ça. Ben, mais il y en a de la flûte dedans. Oui, je sais. Bon, t'es pas fin. Oui. J'ai voulu faire le changement de tes autres affaires que tu poses d'habitude. Là. Ben, écoute... J'ai mis une toune plus smooth, c'est, mais des petites c'est flûtes. Strose, c'est correct, t'amènes de la diversité, puis ça, bon. C'est fort correct. Mais recommence pas. Arcona, avec la pièce Rebionok Bez Emeni, qui est sortie sur l'album Kram, il y a quelques semaines à peine, sur Napalm Records. Possiblement un des meilleurs albums de Arcona à ce jour. Ils ont donné pas mal fort. Là. Ça, Kram, là, c'est-tu leur espèce de jambon en boîte en Russie? Oui, eux autres, c'est du Kram. C'est du Kram. Parce que c'est du mouton qu'ils mettent. Ben écoute, personnellement, c'est pas vraiment mon genre de musique. Je là. Le savais. C'est correct. J'ai fait exprès pour en mettre aussi. Ben, c'est correct aussi. J'aurais bien me reprendre quelque part. Je sais. Ce vendredi, ici même à Sifu 89.1 FM, dès 11h pour les vrais amateurs de vrai rock, c'est Rock Classique avec le spécial, ce qui devrait être le début, d'après ce que Rockmaster m'a dit aujourd'hui. En fait, je pense pas qu'on puisse le faire en une seule émission. Un spécial 78. Beaucoup de choses sont parues dans le rock en 78. Donc, une émission qui va être très, très, très remplie. Avec, bien entendu, les segments habituels, ça passe ou ça casse, les artistes que je cherche, les groupes obscurs, les artistes sombres, les groupes obscurs, les éphémérides, ainsi que les albums classiques, ainsi que ma chronique sur le surnaturel, donc, dès 11h jusqu'à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock. Un classique. Aussi, n'oubliez pas cette semaine. Ah non, c'est vrai, il n'y en a pas cette semaine. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, tout à fait, parce que c'était vendredi dernier, l'émission Subversion, avec notre ami DJ Tower of Death, qui maintenant fait une émission bi-hebdomadaire. Donc, ça sera pas cette semaine, mais le vendredi suivant. C'est cela. Mais aussi le fameux blog de notre ami Sinistros, hurlement.com, sur lequel vous pouvez lire toutes sortes d'élucubrations qui ont ni queue ni tête. Et il y aura des nouveautés qui s'en viennent. Une nouvelle chronique qui s'appelle Les échos du passé. On va revisiter l'histoire de la musique, les albums connus et méconnus, surtout méconnus, de 1952 à 2010. Ah oui, mais Sinistros serait-il très large sur son blog? Et de même, ça se répercute à réanimation, parce que, comme je le disais en blague il y a quelques instants... Non. C'est subjectif. Ça mène des choses qui sont un petit peu plus larges que moi, que je couvre uniquement dans le death metal, ou à peu près. Je suis vraiment intoxiqué au death metal, je dois le dire. On se quitte avec un de tes derniers blocs, qui est aussi un bloc conceptuel, n'est-ce pas? Ben oui, il y a un lien. Là, je l'ai mis difficile, celui-là. Très difficile. Oui, ben. Tout à fait, j'en conviens. Il y a trois groupes. Il y a un seul lien qui unit les trois groupes. Oui, puis c'est pas évident. C'est pas évident. Je me suis creusé quand même un petit peu la tête pour la sortir, celle-là. On a Accept avec la pièce Stalingrad parue du même album, l'album titre. On va avoir Fear Factory avec Dielectric qui est paru sur Genesis. Et on aura Creator avec Enemy of God. On rappelle qu'Accept est paru en 2012, Fear Factory en 2015 et Creator en 2005. Sinistros, étant donné que, comme toujours, on est bousculé par le temps, je t'arrête. La réponse la semaine prochaine. Oui. D'accord. Donc, la semaine prochaine, Sinistros et moi, on vous propose, entre autres, ce qui est c'est la dernière émission du mois, donc c'est l'album marquant. Cette fois-ci, il s'adressera à Six Feet Under, soit le premier album Haunted, paru en 95. Sinistros vous propose les nouveautés de Master's Hammer et moi de On Thorns I Lay. Donc, on se retrouve mardi prochain pour une autre édition de Sinistros. Et d'ici là... Allez tous vous faire foutre! Ah, ça, c'est pas poli! Ben non. On recommence. Allez tous vous faire foutre! Let's go! Everything